是不是心成功碰吧，不过了也是功把火断之中负总certain ont bien compris que cette terre est notre amie ne faut-il pas l'aimer je crois cette terre est notre amie ne faut-il pas l'aimer je crois Non? You like, you don't like. You like who you... Yes or not? Dès que j'ouvre mon texte, là, j'ai beau chercher je ne comprends pas pourquoi l'homme est si con parfois toi tu t'en fous tu me dis ça Pourtant certain bien oui que cette heure est notre ami J'allume la télé, la radio. Je ne veux plus voir tous ces salauds qui pour l'argent n'ont plus d'égo. Ces salauds, le pouvoir détruit les humains. Plus de morale que du chagrin. Ce style de vie, non, n'est pas le mien. Ces humains

New Song. Benji, you are creeping. bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont manger. Et Phil, salut. Thank you. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Thank you. Thank you.